Put your hands together one time. Bonjour à tous et bienvenue à Entrepod, le podcast de FrenchPod concernant la culture francophone où nous discutons librement entre nous, entre amis, entre potes. Salut tout le monde. Bonjour. Alors j'ai ici deux invités, deux potes concernant le sujet d'aujourd'hui. Nous avons d'abord Christella. Salut. Qui en fait n'est plus à présenter, tout le monde la connaît. Peut-être pas tout le monde, mais je participe à la production de leçons avancées et médias avancés. Il y a aussi le show Voulez-vous chanter avec moi? Oui, et tu es la voix des dialogues de FrenchPod. Certains dialogues. Et nous avons également Germain. Salut à tous, oui, donc je m'appelle Germain, je suis tout nouveau. Et oui, il vient d'intégrer l'équipe il y a peu de temps. Et donc tu es là pour les dialogues, majoritairement? Majoritairement, je m'occupe des dialogues de temps en temps, lorsqu'on a besoin de moi. D'accord, bien. Juste une petite question d'abord, Germain, tu viens de où en France? Alors je suis breton, donc bonjour à toute la Bretagne bien entendu, et donc plus particulièrement de Lorient, donc le sud de la Bretagne. Puis bon, comme je disais, tout le monde sait que Christella vient de Paris. Je parle tout le temps de Paris, c'est ça? Menteur. Alors les amis, nous avons un sujet vraiment extraordinaire aujourd'hui, puisqu'il a fait coller beaucoup d'encre en France. C'est la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Youhou! Bon alors évidemment, première question qui vient à l'esprit, Christella, fumeur, non-fumeur? Non-fumeuse. Totalement? Totalement. Jamais fumé, je ne fumerai jamais. On a une position claire ici. Et toi, Germain? Eh bien moi, personnellement, j'ai été fumeur, je suis encore à moitié fumeur, disons que je fume beaucoup moins qu'avant, j'ai arrêté pendant un an, je refume de temps à autre, mais je ne me considère pas comme en même temps un gros fumeur. Fumeur modéré. Fumeur modéré, exactement, oui. D'accord. Donc alors évidemment, cette loi a été une véritable révolution en France, puisqu'il faut quand même savoir que entre les personnes qui sont âgées de 18 à 75 ans, il y a entre 14 et 15 millions de fumeurs occasionnels ou réguliers dans l'Hexagone. Un chiffre important. Ce qui est très très important en effet. Ouais, oui. C'est pour ça qu'on voit que la France est vue un peu comme un pays de fumeurs quand même. Ah oui, je comprends. Nous les Français, on fume beaucoup. On a quand même cette image. Juste un petit historique, c'est que la première application de la loi a eu lieu au 1er février 2007. Où on a une interdiction dans les entreprises, dans l'administration, dans les établissements de santé, dans les écoles ou les transports en commun. Mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas également les restaurants ou quelque non, chose comme ça? Non, en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est que le 1er janvier 2008... cette loi s'est étendue à tous les lieux publics. Donc, étaient inclus ensuite les cafés, restaurants, débits de tabac, casinos, hôtels, enfin, tout partout en fait. Boîte de nuit, exactement, discothèque. Donc vraiment tous les lieux publics. Ma première question est de savoir quelle réaction vous avez eue quand vous avez su que cette loi allait être mise en œuvre. Moi, je pensais pas que ça allait vraiment être appliqué. Je me suis dit, bon, ça c'est un projet de loi. Il y a tellement de Français qui vont être contre. Non, c'est ma liberté de fumer. Que je me suis dit, ça passera jamais. Et puis, je me suis dit, bon, déjà, ils l'appliquent dans les transports, dans beaucoup de le public, notamment dans les gares et les transports en commun, tout voilà, ça. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont considérer que c'est suffisant et que c'est pas la peine d'aller plus loin que ça. D'accord. Disons que moi je pensais que ça allait se faire, mais je pensais pas qu'ils auraient vraiment tenu leurs engagements au niveau des dates. Je pensais que par exemple, bon, ils disaient 1er février 2007, mais je pensais qu'ils auraient reculé la date parce que bien entendu c'est toujours quelque chose de très difficile à mettre en place. Donc ils ont tenu leurs engagements, donc en effet c'est vrai que c'est arrivé donc très très vite et donc beaucoup de gens se sont retrouvés comme qui dirait mis au pied du mur. Mis au pied du mur. Ouais. Parce que vous savez, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de référendum pour faire ça. Bah non. C'est une loi qui vient tout simplement du gouvernement. Ouais. Et donc personne n'a pu vraiment la contredire en fait. Ouais. Voilà, et puis le 1er janvier 2008, c'est arrivé. Je me souviens en janvier, je suis partie en boîte avec des amis, j'avais oublié. Et certains de mes amis sont fumeurs, et puis on leur a dit: ah non, vous ne pouvez pas fumer ici. On s'est regardé. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? On devait sortir en fait, aller à l'extérieur pour fumer. Il faisait bien froid en janvier, donc on fumait très très. Enfin, mes amis fumaient très très vite, et après on y retournait, mais. C'est vrai que c'était un peu dur de peut-être commencer l'application de cette loi un 1er janvier 2008. Il y a beaucoup d'entreprises, je pense, qui n'étaient pas bien préparées à faire ça, donc c'est pour ça que je trouve ça assez. Bien d'un côté pour le gouvernement qu'ils aient bien suivi ce qu'ils avaient dit, mais d'un autre côté c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas prêtes. D'accord. Est-ce que vous trouvez quand même que les gens ont beaucoup râlé? Il y a eu beaucoup de gens ont râlé, oui en effet. Parce que disons que par exemple un bar tabac, il y a marqué tabac dans leur nom. Donc si on peut même pas fumer à l'intérieur, forcément il y a beaucoup de gens qui vont râler. Déjà que l'augmentation du prix de la cigarette a fait déjà beaucoup de mal je pense pour beaucoup de buralistes, donc forcément, c'est vrai qu'il y en a qui se sont trouvés un peu sur le carreau. Quoi. D'accord. Mais je me souviens qu'il y avait des gens qui disaient aussi, avant que ce soit appliqué, « Oh, moi je m'en fous, je m'y conformerai pas à cette loi, je continuerai à fumer mes clopes. Et de ce que j'ai à fumer, tu veux dire dans les... À fumer à l'intérieur. À l'intérieur. De ce que j'ai vu jusque maintenant, les gens suivent la loi de façon assez... assez stricte, en fait. Ouais, hein. J'ai vu des buralistes dire clairement à leurs clients, désolé, vous pouvez pas fumer à l'intérieur, il faut vraiment à l'extérieur, faut respecter la loi, faites un effort. Ouais. Disons également aussi que les buralistes risquent gros. Disons que, par exemple, un cendrier laissé sur une table maintenant dans un bar tabac, c'est quelque chose, je crois, comme 150 euros d'amende pour le propriétaire de l'entreprise. Ah ouais, oui, au moins. Donc ouais, c'est très très cher pour eux, donc forcément ils sont obligés de refuser les fumeurs, enfin, pas de refuser les fumeurs bien entendu, mais refuser aux fumeurs de fumer dans leur établissement. Et de même en boîte de nuit, ils sont très stricts, quoi. Mais bien entendu, il reste toujours et il restera toujours des entreprises qui laissent fumer leurs clients à l'intérieur. Ça existe encore, bien entendu. Même s'ils ne respectent pas la loi. Tout à fait. Ouais. Ils prennent le risque. Disons qu'il doit y avoir certains endroits, comme des boîtes de nuit, je pense, ou des bars, où la police n'a pas vraiment l'habitude de passer, disons. Et donc forcément, les gens continuent de fumer à l'intérieur. Je parle de ça en connaissance de cause. Nous ne te demanderons pas de nom ici. Non, je n'en dirai pas. Et puis il y a eu beaucoup de fumeurs qui se sont plaints, évidemment. Ouais. Hein. Qui sont plaints de ne pas pouvoir fumer là où ils voulaient fumer. Puis en tant que fumeur, je pense qu'on a aussi, on a aussi ses petites habitudes, quoi. Certaines personnes, certains de mes amis en tout cas, l'ont un peu vécu comme si on leur retirait... Plaisir. Ouais, un plaisir. Et puis, il y a certaines personnes qui ont l'habitude de prendre un café, par exemple, le matin. Et ils ont besoin de leur café. Le matin, ils se lèvent. Et certaines personnes ont eu le même sentiment, en fait. Oui, moi, j'ai l'habitude, en fin de journée, de descendre chez le buraliste, me prendre une petite bière et de fumer ma cigarette. Et maintenant, je peux plus. Oui. Combien de gens on voit à Paris, aux terrasses, juste avec un café aussi? Oui. C'est cette image du français ou de la française qui est avec son petit café. Tout à fait. Sa cigarette. Et sa cigarette. C'est ce qu'on appelle le fameux café club. Disons que pour beaucoup de gens, j'en ai fait l'expérience également, il faut savoir que l'alcool attire la cigarette. Donc ouais, pour beaucoup de mes amis et moi-même, c'est vrai que très souvent, c'est très associé. Disons que moi, personnellement, comme je vous disais, je suis modéré. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un peu d'alcool, la cigarette vient très très avec facilement. Avec le café aussi. Ouais. Avec le café également. Même après avoir mangé, ouais, des fois, on raffole de notre cigarette. La célèbre clope de fin de repas, voilà, la cigarette. Et donc forcément, c'est vrai que des fois, bon, c'est plus difficile. Mais alors justement, pourquoi on n'aurait pas pu imaginer avoir simplement une séparation? Non, mais ça marchait pas, la séparation. Non, ça existait déjà un peu. Non, mais ça existait déjà. Alors, vous avez un grand restaurant, ouais, avec voilà, un côté fumeur, un côté non-fumeur. Et puis, et toute la fumée de cigarette du côté fumeur va vers le côté non-fumeur. Oui, de toute façon, ça sent dans tous les restaurants. Arrêtons de croire à ce mythe du côté fumeur et non-fumeur. Je veux dire, c'est vrai que la cigarette se propage partout, c'est de la fumée. La fumée s'arrête pas là où il y a marqué non-fumeur. Bah oui. Et quand même, la France, le pays des libertés. Eh bien, oui. Je trouve ça parfait. Je trouve ça parfait. Honnêtement, ce qui m'énervait à chaque fois que j'allais en boîte, c'est le matin, que tous mes vêtements puent la cigarette et mes cheveux et tout, quoi. Je me sentais... Ah. C'est vrai que c'est très, très désagréable souvent. Ne serait-ce que... Disons que c'est vrai que la cigarette, déjà, bon, bah, on est d'accord, c'est une drogue. Des gens en ont besoin. Mais le problème est aussi que lorsqu'on veut arrêter de fumer, bon, moi, c'était pas trop mon cas. La cigarette à côté de moi, lorsque je veux arrêter de fumer, n'est pas vraiment un gros problème. Mais ça peut l'être pour certaines personnes. Quoique, c'est quand même aussi un problème, c'est bien entendu. Mais disons que pour certaines personnes, ils peuvent même plus sortir dans la rue, ou, enfin, je veux dire, dans les restaurants, bar tabac, boîte de nuit, sans avoir tout le temps l'envie de fumer, du fait qu'il y ait beaucoup de gens autour de... Ouais, c'est la tentation permanente. Ah bah, la tentation permanente. Hein. Par contre, bien entendu, s'ils arrivent à s'arrêter de fumer avec ça, ils en sont d'autant plus forts, bien sûr. Mais justement, quand on pense à ça au point de vue de la santé, même si y a beaucoup de gens qui peuvent se plaindre du fait que leur liberté de fumer où ils veulent fumer leur a été retirée, au niveau de la santé, je pense que c'est vraiment une bonne initiative. Certains de mes amis ont réduit en fait leur consommation vraiment de cigarettes. Ah, oui, à cause de grâce. Chacun son point de vue, à cause, grâce à l'interdiction, ouais, à cette nouvelle loi. Parce qu'en fait, ils avaient les mêmes habitudes, ils allaient toujours au café ou chez le buraliste. Mais comme ils ne pouvaient pas fumer, bah, ils ne fumaient pas tout simplement et leur consommation s'est nettement réduite. Eh bien oui, je fais partie d'ailleurs de ces gens-là. Alors est-ce que vous croyez que maintenant, donc c'est passé, les gens se sont accommodés? Ah bah maintenant, je pense que c'est totalement rentré dans les mœurs. Hein. Ouais. Je pense que déjà, depuis la mise en place de cette législation, il y a dû avoir pas mal de gens qui ont dû quand même arrêter de fumer, je pense. Ne serait-ce qu'au moins diminuer la consommation. Ouais. Ne serait-ce que déjà diminuer la consommation, je pense que beaucoup de gens y sont arrivés. Mmh. Faut espérer que ce soit effectif, ouais. Donc voilà, si jamais vous êtes fumeur, vous savez comment vous comporter maintenant. Si vous n'êtes pas fumeur, vous devez être content d'apprendre cette nouvelle. Yes, just like me. En tout cas, moi, je serais très content de vous retrouver pour la prochaine émission d'Entrepod. Entre temps, je tiens à remercier énormément Christella et, de rien. Et Germain. Ce fut un plaisir. Sur ce, à bientôt. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Salut.